Laurence et Stéphane se sont infiltrés au Festival du Polar de Villeneuve-les-Avignon afin d'interviewer dans la pénombre les amateurs d'histoires obscures et les auteurs de romans noirs. Osmose Radio est devant moi, monsieur Caril Ferré. Alors, je fais comme tous vos compagnons écrivains. Je ne sais pas si on peut vous présenter, mais c'est peut-être vous qui allez vous présenter vous-même. Alors, moi, je suis breton. J'aime bien, comme tous les bretons, la boisson. Et les galettes? Je suis plus boisson, moi, que galette. Alors, je fais attention parce que j'ai des bretons qui m'écoutent. Donc, comme en Bretagne, on aime bien boire. Donc, je suis venu à Villeneuve-les-Avignon pour boire. Parce qu'il paraît qu'il y a du bon vin ici. Et tu sais qu'il y a du bon vin ici? Oui, non, mais j'opine du bonnet. Hein. Je croyais que vous étiez là, oui, moyen, tout. Voilà. Donc, je suis ravi de venir ici. Alors, et quand vous ne buvez pas de la boisson, vous écrivez. Alors, vous écrivez des livres de littérature policière, on dit comme ça, mais vous vous servez quand même, vous partez. Je pense particulièrement au livre qui est sur ma droite, à Aka, où on va quand même s'immerger dans un pays loin de la Bretagne, et vous vous en servez, et vous faites à partir du pays, vous construisez l'intrigue, comment ça se passe? La Nouvelle-Zélande, j'ai fait le tour du monde quand j'avais 20 ans, donc du coup j'ai écrit deux livres qui se passent là-bas. J'ai toujours voyagé et écrit, donc après je suis parti en Amérique du Sud, en Afrique du Sud, donc voilà, je mélange les deux et c'est ce qui me passionne, à la fois l'écrit. On vous a jamais accusé d'être un peu violent parfois? Je choisis aussi mes pays. En Afrique du Sud, il y a eu l'apartheid. En Argentine, il y a eu les grands mères à la place de mai. Il y a eu Pinochet au Chili. C'est sûr que si j'allais au Luxembourg, j'irais pour foutre le feu aux banques. Hein, mais bon, je n'ai pas grand-chose à raconter d'autre. Quoi. Moi, je préfère avoir qu'une histoire politique avec un grand H. Et puis, mais ça se passe toujours aujourd'hui, mes livres. Quoi. Enfin, j'ai envie que les lecteurs s'immergent dans un, qu'ils découvrent un pays aujourd'hui, ici et maintenant. Quoi. Et ils le font, hein. Ils le font vraiment. C'est la première fois que vous venez au salon à Villeneuve, hein, au festival? Non, je suis venu il y a 2 ans et j'étais le parrain. Donc ça veut dire que quand on est le parrain, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, comme cadeau, on a de la boisson. Donc je suis revenu avec de la boisson et j'étais content. Parce que des fois, on nous donne comme cadeau, je sais pas, une caricature de nous-mêmes ou une photo de nous. Quoi, comme si généralement, ça finit à la poubelle. Alors qu'une bouteille de vin du coin, alors ça, non, ça finit dans le bidon. Et alors, un petit mot sur votre dernier livre, hein, paru? C'est pas un polar, en fait. C'est un récit de... autour de mes voyages et comment se construisent les livres et d'où viennent les personnages des fictions. Bah, en fait, c'est souvent des personnages que j'ai rencontrés lors de mes voyages, assez pittoresques et souvent tard le soir. Merci, Caril Ferré. Ça nous a fait très plaisir de vous parler. Puis alors, bon, on va peut-être vous laisser vous reposer tout à l'heure avec un petit peu de boisson dans le bidon. Voilà, exactement. Merci beaucoup, en tous les cas. Merci. Merci à vous. Le Festival du Polar de Villeneuve-les-Avignon aura lieu prochainement les 9 et 10 novembre 2018.